matin, par hasard, je me suis éveillé. La chambre, paraît-il, était blanche. Je ne me souviens plus l'année. Ni même le grand pot de faïence où le lilas mauve courait et retombait en lourdes branches près de mon berceau en osier. Où déjà, je semblais paumé. Ma solitude était née le même jour que moi. Mes parents, ils étaient contents. Mais j'étais déjà leur troisième enfant. En somme, le jouet qu'ils n'attendaient plus. J'avais même le nez retroussé. Tout le monde trouvait ça marrant, mais moi, je me suis mis à pleurer. À cause de ma toute première dent. Un peu trop fort, évidemment. Et déjà, elle collait à ma peau. Tu t'accroches, petite, hein, tu t'accroches. Eh ben, t'as raison. Dans la vie, il faut s'accrocher. Un peu plus tard, sans le savoir, au temps de l'encre et du buvard, j'apprenais mes leçons par cœur. Mon père disait avec ardeur et fierté, « Ah, mon fils, ce sera un enfant précoce, intelligent et courageux. Et peut-être bien qu'on en fera quelque chose, si les petits cochons ne le mangent pas. » Dès cet instant, j'ai su que j'étais foutu. Tout est mort autour de moi. Même la ville étouffe sous les crachats rougissants de ses habitants. Pas une fleur, pas un cri d'oiseau. Je suis traqué par la lucidité. Je suis seul. Seul avec elle. Ma solitude. Ma solitude. Je la retrouve partout, dans les rues sales, sales et désertes. Au fond de mon vieux verre de whisky acide. Car si tu colles, tu entres dans mon corps. Tu me fais mal au ventre. Ah, ma solitude, ma maîtresse. Ma traîtresse, ma peste. Tu t'accroches, petite, hein, tu t'accroches. Accroche-toi. Accroche-toi bien. Ma solitude, c'est à cause d'eux. Je me souviens, mon amnésie s'éteint. Je suis né un soir du mois d'août, entre deux SS. Alors ma solitude, foutez-moi la paix. Foutez le camp. Je vous interdis de pénétrer chez moi. Je vous interdis de me poser des questions. Oh, ma solitude, je te jette, je t'écrase, je te pisse dessus. Je te pisse dessus. Laisse-moi. Va-t'en. Oh, venez, venez me prendre, oiseau de nuit, aigle de mes rêves. Emportez-moi avec vous. Je ne peux plus rester ici. Je n'appartiens pas à ce monde. Laissez-moi, n'écrasez pas mes fleurs sauvages. Ce sont mes larmes à moi au goût d'orage. Ne cherchez pas mon point de chute. Il est ailleurs, en d'autres luttes. Oh, ma solitude, tu colles, fous-moi la paix, va-t'en, va-t'en. Venez à moi, aigle de la nuit, aigle de mes rêves, emportez-moi avec vous, je ne peux plus rester ici. Je n'appartiens pas à la même planète que vous, la mienne est belle, belle, belle, vous entendez? La mienne est belle! Belle! Belle! Belle! Je n'appartiens pas à votre monde. Laissez-moi! Laissez-moi! Ma planète est belle! Belle! Belle.